Zakrou, Rem Souz, Ostaf. Déconnecté, je suis déconnecté, je suis déconnecté, je suis déconnecté, je suis déconnecté, je suis déconnecté, je suis déconnecté, je suis déconnecté. En 2-4, je déconnecte, la beuh claque, je déconne pas, je perds pas mon temps avec des connes, mec. Je baise et je décolle droit, je suis ce qu'on appelle un loup parce que je fais pas dans l'affectif. Mon cerveau il prend trop de coups, c'est mon inconscient qui a fait ce spliff. En guise de digestif, quoi qu'ils disent, je reste pisse. Je respire la paix pendant que toi tu sens la merde, gros. Je transpire le vrai pour masquer l'odeur de l'herbe. J'ai pas la grande gueule d'un chihuahua, mais sur toi je chie, ouais, ouais. Pas du genre Al-Qaïda pourtant, je suis un pilote, vas-y. Mais du arcanard que je décolle avec le pilon. J'zappe la prod, il beatmaker, je craque les prods de nos beatmakers. Meilleure personne, je suis pas là pour comparer. L'esprit toujours ailleurs, personne. Je laisse les cons parler, ouais. Laisse mon lent au monde, écoute au loin les bombes grondent. Ça tourne pas rond, ma grande. Bientôt la terre entière se fera la guerre. À quoi ça sert si ce n'est glorifier l'enfer? Je suis déconnecté comme internet de mon PC. Je suis là et je disparais à ce qui paraît. J'ai l'esprit mal placé qui voyage encore malgré l'accord avec mon corps. J'incite personne, c'est un spliff persman. Je suis déconnecté comme internet de mon PC. Je suis là et je disparais à ce qui paraît. J'ai l'esprit mal placé qui voyage encore malgré l'accord avec mon corps. J'incite personne, c'est un spliff persman. Dans mon monde on sacrifie pour être sacré first. Toi dans le cœur, sacré fort car ça se met des sacrifices. Ouais, allez parler, parler, sachez que je suis toujours par là. Des fois je me suis séparé, les vrais sont toujours près de moi. Donc je continue mon chemin tout en sachant ce qu'il en est. J'ai la chance d'avoir les miens, je sais que sur eux je peux compter. C'est pas une question de bien, notre histoire on pourrait la compter. Bercé par l'instrumental, j'écoute quand l'instrument parle. Et je parle loin de tout, sans avoir envie de revenir. Sur mon chemin je fais plein de détours, j'anticipe pas mon avenir. Je vis au jour le jour mais c'est surtout la nuit qu'on me voit. Je vise un gros séjour dans un monde où tout me va. Et bien comme l'inspi qui à peine là est déjà reparti, bordel. C'est actuellement le cas dans ma tête, pardonnez-moi quand je déconnecte. En fait, en position horizontale, je ferme les yeux et l'horizon style. Je suis parti même sans qu'allumer. Je suis déconnecté comme internet de mon PC. Je suis là et je disparais à ce qui paraît. J'ai l'esprit mal placé qui voyage encore malgré l'accord avec mon corps. J'incite personne, c'est un spliff persman. Je suis déconnecté comme internet de mon PC. Je suis là et je disparais à ce qui paraît. J'ai l'esprit mal placé qui voyage encore malgré l'accord avec mon corps. J'incite personne, c'est un Steve Persman. Trop éparpillé pour rester clair, c'est le papillé. Je fume des pilons et par milliers, je me fous de la fin. Je prépare le milieu, un flow malsain mais pas méchant. Je canalise dans le mac, pas sur les gens. La canne libère pas l'inspiration, mais l'esprit garçon. Je vis simplement, je ne suis pas le simple aisant. À fond, dans l'instant présent, je vis tranquillement. Pas d'oppression, un tranquillisant et une pression n'empêche pas de garder la précision. Mais change ta perception, pourtant je tranquillise à mort. Alors appelle-moi le roi de la contradiction. Avec la zig, j'ai signé un contrat d'addiction. Additionne là au shit et je déconnecte même au chien. J'avoue avoir l'esprit de travers, comme la tour de Pise. Les idées qui me traversent sont douteuses, mais elles m'apaisent. Elles m'évitent de trop penser. Mon passé, je peux m'en passer. Mes blessures ne sont pas toutes pensées. Bien sûr, ça ne m'empêche pas de pioncer. Je me lève pas de bonheur et que dans mes rêves que je que toi le bonheur. Je suis rarement pressé, toujours tranquille, jamais stressé. Je sais que la vie ne tient à rien, alors j'essaie de pas trop m'accrocher. Me rapprochant des vérités, j'essaye de pas trop dériver. Je suis comblé avec des rires, elles m'en font peu pour délirer. Je suis un mec simple, ouais. Comme on en fait plus, je me dis que ma vie est un bon sang posé sur une putain d'instru. Je m'inspire de tout et de rien, et je respire loin de tout. Dans la bouche, un gros tamien. Bonsoir à tous. Oh putain, on l'a perdu, lui. Non. Oh, Perdus, Perdus. Il est déconnecté comme internet de son PC. Il est là et disparaît à ce qui paraît. Et un esprit mal placé qui voyage encore malgré l'accord avec son corps. Il est juste personne, c'est son spouse Bersman. Il est déconnecté comme internet de son PC. Il est là et disparaît à ce qui paraît. Il a l'esprit mal placé qui voyage encore malgré l'accord avec son corps. Il est juste personne, c'est son spouse Bersman. Eh hey, mais les gars, vous êtes où ?